franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jean-Yann, il est beau, il est gentil. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Gérard Levoyer, réalisée par Michel Sidorov. L'un de ses amis, Philippe Bouvard, disait de lui « Jean-Yann savait tout faire, mais n'avait pas envie de faire grand-chose ». Jean-Yann, le dilettante, le grognon désinvolte, grande gueule, râleur et nonchalant. Pourtant, rien ne prédisposait ce fils d'ébéniste, né un 18 juillet 1933, à devenir ce touche-à-tout génial. De son vrai nom, Jean Gouillet, il commence au centre de formation des journalistes, mais se fait virer très vite, une année à peine. Sûrement une très grande perte pour la presse, mais une grande chance pour le music-hall. Il commence sa carrière d'humoriste au cabaret des Trois Baudets, où ses sketchs et ses attaques contre les institutions font fureur. L'amuseur n'aura de cesse de combattre la bêtise et le conformisme en toute liberté. Il devient un présentateur célèbre à la radio, Europe 1, France Inter, RTL. Chassé car provocateur, il rejoint la télé et Jacques Martin. En fait, Jean-Yann fera des allers-retours incessants entre tous ses médias, tour à tour adulé puis éconduit. Enfin, il devient vedette de cinéma. Godard le dirige dans Weekend. Pour Chabrol, il incarne un garagiste dans Que la bête meurt et un assassin sentimental dans Le Boucher. Sous le regard de Piala, en 1971, il joue un mari violent et un amant jaloux avec Marlène Jobert dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Le Festival de Cannes lui accorde le prix d'interprétation. Rien que ça, évidemment. Évidemment, Jean-Yann refuse. Et ses arguments sont simples. Il déteste ce film ainsi que le réalisateur. En fait, Jean-Yann s'ennuie. Alors, pour s'amuser un peu plus encore, il décide de tourner ses propres films. En 1972, il dénonce le mercantilisme des radios privées dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Auteur de sketchs et de pensées tout aussi hilarantes qu'absurdes que je ne peux m'empêcher de vous en citer quelques-unes. Tiens celle-là par exemple. Les hommes naissent libres et égaux, après ils se démerdent. Ou encore, la connerie c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire. Ou alors, pour terminer, je suis contre le cumul des mandats. Imaginez donc le sort de ces pauvres mecs qui sont à la fois chômeurs, SDF et bénévoles. Après la fiction sur Jean-Yann, nous recevrons Fabrice Gardel qui lui a consacré un documentaire produit avec Lina intitulé « Jean-Yann revient, on est devenu trop con » et un livre édité au Seuil qui lui porte ce titre « Jean-Yann, je reviens, vous êtes devenu trop con ». Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Jean-Yann, il est beau, il est gentil, de Gérard Levoyer. Une réalisation de Michel Sidorov. En 1972, Jean-Yann a gagné ses galons de vedette du cinéma en tournant des films à succès comme Erotissimo, Que la bête meurt, Fantasia chez les Ploucs, et aussi Êtes-vous fiancé à un marin grec ou à un pilote de ligne ? Dont il a écrit le scénario et les dialogues, et qui lui a permis de rencontrer la jeune et jolie Nicole Calfon. Maurice Piala l'a engagé pour tourner avec Marlène Jobert, l'histoire de sa propre vie amoureuse. Nous ne vieillirons pas ensemble. Jean-Yann est donc un Maurice Piala coincé entre deux femmes, bougon, lâche et brutal. Dis donc, j'ai vu tes deux Chabrol. Tu es drôlement bien. Bof, tu sais, j'avais pas grand-chose à faire, juste être moi. Arrête, tu n'es pas si méchant que ça. T'es plutôt du genre gros nounours, toi, non? C'est ce que dit aussi Nicole. C'est les poils qui font ça. Avec du poil partout, on prend pour une peluche. Elle est vachement jeune, Nicole. C'est toi qui lui as fait quitter le français? Attends, c'est rien que des vieux grabataires là-dedans. Elle a pas l'âge d'entrer à l'hospice. Je vais en faire une petite vedette, tu vas voir. Je vais lui acheter un théâtre. On fera complet tous les soirs et après on fera dancing et pince-fesses. Ça n'a pas dû être triste, les tournages avec toi et Chabrol? Ah ça, en fin de journée, ça y allait sur les joyeusetés, hein, sur le pinard et sur le jambon en croûte sauce madère. Tu le connais, le Chabrol. Il lui faut plutôt deux fourchettes thunes. Ouais, je sais. Et deux verres aussi. Tu as tourné avec lui? Oui, la décade prodigieuse. Pas vu. C'était raté. Orson Welles, c'était pas au mieux de sa forme. Ah, de toute façon, le cinéma, c'est jamais qu'un truc pour gonzesse. Hein. On te papouille, on t'étale du maquillage sur la tronche, on te charbonne les cils. Je te jure, parfois, j'ai honte. Quel râleur! Tu fais quoi, là? Je gagne des sous, c'est tout. Non, mais c'est vrai, j'aime bien les acteurs, mais je me sens pas du milieu. J'ai jamais le trac, jamais la moindre émotion quand je joue. Je suis peut-être doué, mais jouer m'emmerde. Je le fais pour passer de l'autre côté. Tu veux réaliser un film? Un peu, mon neveu. Il est même écrit. Je termine la pleurnicherie du vieux schnock et je m'y mets. Roulez jeunesse! Tiens, quand on parle du loup... Le vieux schnock, c'est Piala. Entre les deux hommes, le courant ne passe pas franchement. Yann n'aime pas beaucoup le personnage qu'il doit jouer et il trouve que le metteur en scène ne sait pas le diriger. Écoute-moi, Yann. Je sais même pas ce qu'on va tourner. T'es chiant, Maurice. Tu pourrais donner les scènes à l'avance. Quand je te les donne, tu ne les apprends pas. Ouais, mais quand je les apprends, on les tourne pas. Bon, écoute, je t'explique la scène qu'on va tourner. Mm-hmm. Tu es dans une cabine de photomaton. Mm-hmm. Ta maîtresse vient de te quitter. Tu es malheureux. Tu es paumé. Alors tu te photographies. Ben non. Quoi, ben non? Je ferai jamais ça. Ça m'est déjà arrivé de me faire larguer par des gonzesses. Hein. Et jamais je suis allé me faire photographier la tronche dans un photomaton. Moi, c'est ce que j'ai fait. Toi, peut-être, parce que t'es pas comme tout le monde. Mais tu me demandes de faire comme si c'était à moi que ça arrive. Depuis le début, tu me dis que je suis toi, ton alter ego. Et de me laisser aller sans réfléchir. Là, je réfléchis pas, je te dis que j'irai jamais me prendre en photo pour assister à ma tristesse sur papier glacé. Tu ferais quoi alors? Ah ben, je sais pas, j'irai me saouler la gueule. Ou me balader à la campagne. Mais en tout cas, j'irai pas me faire photographier. Excuse-moi, mais j'ai pas fait ça. Et on va tourner ce qui m'est arrivé réellement. De toute façon, c'est toujours pareil avec les acteurs. Je vais être gentil avec vous, donner de l'initiative, mais vous finissez toujours par nous faire chier. Oh là là là là, tout de suite, les grands mots, la vexation. L'empereur qui se drape dans sa toge immaculée. Parfaitement, vous faites chier! Pourquoi tu as mis cette chemise avec des petits boutons? Tu vas pas dire que c'est pas pour me faire chier? Qu'est-ce qu'il y a là, ma chemise? Elle est pas jolie? Tout le monde sait que je déteste les chemises à petits boutons. Et toi, c'est ce que tu mets. Tu viens me dire que tu l'as pas fait exprès. Faut l'écrire sur la feuille de tournage, mon vieux, si tu as des exigences de midinette. Pour le slip, ça va? Faut pas passer l'inspection? Ah bon, j'en ai marre, hein. Ce mec est borné. Coco, occupe-toi de mettre en place le plan suivant. Je prends la café. Bon, tout le monde se met en place. Pour la cabine. C'est bon. De temps en temps, Nicole Calfan vient rejoindre Jean-Yann sur le tournage. Le gros nounours devient alors tout sucre, tout miel. Et elle, une petite poupée fragile. La petite poupée à son papa, comme il dit. Salut, ma belle. Alors, ta journée? Oh, on parle d'autre chose. Que veux-tu que je te dise? Je pense que Céline est un grand écrivain, Jean-Luc Godard un grand cinéaste, que la Chine est un grand pays et que je peux vivre très bien sans Céline, sans Godard et sans la Chine. Liste non exhaustive à quoi je rajoute Monsieur Piala. Tu n'aimes pas ton rôle? M'en fiche du rôle. D'ailleurs, c'est pas un rôle, c'est le miroir du metteur en scène. Non, mais tu sais pas qu'il y a Ronfleur. Monsieur a fait un caca nerveux à l'hôtelier parce qu'il avait retapissé la chambre 38. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais la vérité historique, ma cocotte, qu'est-ce que t'en fais? Il y a 10 ans, monsieur a troussé sa maîtresse dans un papier à fleufleurs. Alors, il faut donc que la chambre 38 ait le même papier à fleufleurs. Sinon, le grand cinéaste ne peut pas tourner. Ah, je me marre. Pauvre Jeannot, tu dois trouver le temps long. Ah, je bavarde avec la môme Jobert. Elle est marrante. Mais où tu m'emmènes, là? On est en Camargue, non? Alors on va aller faire du cheval. Youhou! On va tirer les plumes des flamants roses et planter des roseaux dans le cul des taureaux camarguais. Tu te prends pour un cow-boy. Ne me dis pas que tu vas tourner un western. Hey, Jean-Yann, tu trouves pas que ça sonne comme John Wayne? Ma petite gueule de secours. Je vais bouffer tes peintures de guerre si tu me tiens le volant 2 secondes. Non, arrête, je vais avoir un accident. Et alors, On a bien le droit d'écraser deux, trois enfants quand on aime une jolie poupée comme toi. Mais moi, je ne veux pas être défigurée. Que dirait mon agent ? Écoute, ma poupée, je vais te faire le plus beau des compliments. Je suis aussi bien avec toi que si j'étais tout seul. Salaud. Tu appelles ça un compliment ? Mais mon cœur, je suis tellement bien tout seul et parfois si mal avec quelqu'un d'autre que bien évidemment, c'est un compliment. Je ne suis pas certaine d'apprécier ton humour. Mais bien sûr que si. C'est même ça qui t'a séduit, c'est pas mon physique. J'ai du bide, du poil partout, la tête d'un cocker. Tu peux trouver mieux, non ? Et puis tu sais, de toute façon, par amour, ça m'étonnerait que je change quoi que ce soit. Même ma cravate. Tiens, au fait, pour te rabattre ton caquet, j'ai reçu une nouvelle interdiction du ministère de la Culture. Pour le vieux colombier ? Oui. On ne pourra pas faire de représentation pour enfants parce qu'il y a des bistrots à moins de 200 mètres du théâtre. Ah non, c'est pas vrai. Bravo. Bravo le ministère de la Culture. Vous encouragez vachement la création. Tu sais ce que je vais faire, ma puce. Je vais leur rendre les clés du théâtre. Mais avant, ils vont m'entendre, ces besogneux au col dur et braguettes en zinc. Ils nous auront tout fait. Tout d'abord, le coup de l'issue de secours, tu te souviens ? Oui, il fallait acheter la charcuterie d'à côté pour faire une sortie supplémentaire. Oui, à part que le charcutier en question venait de recevoir le grand prix du boudin blanc et que monsieur ne voulait plus vendre. Ou alors à un prix qui mettait le boudin blanc au prix du caviar. Après ça, la discothèque. De lesbienne ! Vous comprenez, me dit le type bien propre sur lui du ministère. Vous ne pouvez pas faire de matinée classique à côté d'un temple de la blouse et de la tarte au poil. Mais elles viennent que la nuit, les frangines, je réponds. Et elles n'en ont rien à foutre des matinées du jeudi. Non, non, non et non. Ah, ah, je te jure, les cons sont partout. Hein. Ça me plaisait bien pourtant, l'idée d'avoir un théâtre. À la place, on achètera un cinéma pour lesbiennes et charcutiers. Quand j'entends le mot culture, moi, je suis en mon transistor. Tiens, mets la cassette dans l'autoradio, mon cœur. Garcin m'a envoyé l'enregistrement de la chanson que j'ai écrite pour mon film. Attention, c'est parti. Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des desesperados. Je ne savais quoi faire pour chasser ma misère. Quand on est solitaire, aïe, on a froid dans les os. Quand dans une chapelle, sous la blanchette rebelle, statue de la douce, immaculée conception, je sentis la foi naître, et au fond de mon être, du Seigneur Jésus-Christ, j'ai la révélation dans les bras de Jésus. Maintenant tous les jours je danse, et désormais mon existence d'être vécu dans les bras de Jésus. Le tournage de « Nous ne vieillirons pas ensemble » se poursuit tant bien que mal. Les rapports entre Jean-Yann et Maurice Pialla sont si tendus qu'ils finissent par ne plus s'adresser la parole que par personne interposée. Un soir, après quelques verres, Jean-Pierre Rassam, le producteur et ami de Jean-Yann, en arrive même aux mains et tente de faire virer Pialla du film. Le lendemain, une fois les esprits refroidis, le tournage reprend. Dis donc, ça a bardé hier soir. Vous m'avez foutu la trouille. Ah, c'est pas moi, c'est Jean-Pierre. Il est petit mais nerveux. Il carbure au pur malt et à la poudre de perlimpinpin. Alors quand on le cherche, il démarre au quart de tour. On travaille ensemble sur mon film. Il m'a pris en affection, alors si on me touche, il mord. C'est comment le titre de ton film ? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, tu rigoles ? Ah, je te jure, ça parle de la radio. RTL et Europe 1 vont en prendre plein la gueule. Ça leur apprendra à me virer. J'ai hâte de voir ça. T'as pas un rôle pour moi ? Ah non, ma biche, c'est déjà distribué. Bon, qu'est-ce qu'on tourne là ? La scène où tu m'engueules. Tu sais pas le texte ? Bah non. Oh punaise, Maurice va gueuler, t'en as une vraie tartine. Comment tu vas faire ? T'inquiète, je vais poser les feuilles là, sur mes genoux. Voilà, je vais aussi en mettre sous le tableau de bord. Attends, voilà, tiens, je vais en mettre une petite là. Voilà. Il veut que j'aie l'air triste ? Ah, c'est facile pour moi, j'ai une gueule avec les yeux qui tombent. Alors je vais baisser les yeux, lire mon texte et tout le monde dira « Qu'est-ce qui joue bien le mec triste ?» À part que là, c'est moi qui suis triste et toi qui gueule. T'inquiète pas, ça va le faire. Ça tourne ! Tout ce que t'es, c'est une feignante. T'es une bonne feignante. Voilà. Tu laisses tomber tout de suite. Ah, si seulement je devais recommencer... Dis donc, qu'est-ce que je t'envoie, ma pauvre ? C'est rien, c'est un rôle. Ah, quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. Et puis, il s'est servi de ton physique, là, dans ce qui suit, hein. C'est quand même drôlement brutal. Baisse la vitre, il veut te parler. Marlène, ma chérie, tu peux dire à mon acteur principal d'articuler quand il parle ? On ne comprend rien. Et j'ai un preneur de son qui s'arrache ses derniers cheveux. Merci, Marlène. Vous ne vous parlez plus ? Ah bah, faut croire que monsieur n'a pas digéré l'altercation d'hier soir. C'est tendu, tendu. Quand je pense qu'il y a sa femme et sa maîtresse sur le tournage et que nous, on joue leur rôle, c'est vachement tordu. Fais gaffe, ils entendent tout avec le micro. On reprend ! Moteur ! Ça tourne ! T'es qu'une feignante. Ah, madame veut être cover girl. Mais pour être cover girl, t'es un peu trop petite et un peu trop tarde, voilà. Les taches de rousseur, le nez pointu pour être cover girl. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es vulgaire, voilà. T'es vulgaire, irrémédiablement vulgaire. Et non seulement tu es vulgaire, mais t'es ordinaire. Tu resteras toujours une fille de concierge, voilà. Ah, tu peux faire cette tête, hein. Tu peux me regarder, ça changera rien. Quand je pense que depuis que je te connais, j'ai rencontré des filles formidables, hein. Ah, j'aurais mieux fait de rester avec elles. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi. Coupé ! Eh ben, dis donc, faut être vraiment taré pour dire ça à une femme, hein. Eh, pardon, ma crevette. Oh, le Jeannot qui est tout confus. Il est trop chou. Mais c'est du cinéma. Tu dis que c'est du cinéma, mais ce con, il a vraiment dû le dire à sa nana. Hein. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Pendant le tournage, Jean apprend une très mauvaise nouvelle. Jacqueline, sa femme, qui vit à Cannes et dont il est séparé, est hospitalisée. Pour le rassurer, elle lui dit « C'est grave, mais pas trop. En fait, on a diagnostiqué un cancer des poumons. » Jean, alors, ne va pas cesser, dès la journée finie, de prendre des avions et d'aller au chevet de sa femme. Avec Nicole, sa jeune maîtresse, il est très clair. Mon petit chat, j'ai une mauvaise nouvelle. Je sais. Gilles Durieux m'a prévenu. Ah, j'ai beau plus vivre avec ma femme, c'est tout de même avec elle que j'ai mangé mon pain noir. Et ça, ça crée des liens qui ne se défont jamais. Je comprends. Elle a toujours été très aimable et compréhensive avec moi. La cigarette, c'était son truc, comme moi. Dès le réveil, on tête notre dose de nicotine sans savoir que c'est notre mort qu'on avale. Et même si on le sait, on y va. Moi, je peux me payer des gros cigares, maintenant on dit que c'est moins mauvais. Mais t'entends ce que je dis, ma poupée, c'est moins mauvais, pas meilleur. T'en fais pas pour moi. Moi, ce sont des clubs de filles que je tête. Comme qui dirait des cigarettes en chocolat. Jacqueline, si elle s'en sort, je retourne vivre avec elle. Ou je l'emmène faire le tour du monde. Parce que c'est avec elle que je faisais la tournée des cabarets. Il n'y avait personne. Les plats de pâte à deux, les sandwichs au pain et la carafe de gros quittage, on a pratiqué pendant une paye. T'en fais pas, Jean. Je vais reprendre mes affaires et aller chez mes parents. Disons qu'on fait comme ça dans un premier temps. Après, on verra. Moi, je la fais entrer dans le meilleur hôpital de Paris. Je vais lui payer les meilleurs toubibs. On va tout faire pour tordre le cou à cette saloperie de crabe. Et pour le film, tu vas faire comment ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je tourne. Dans la journée, je tourne et le soir, je fonce à l'hôpital. Il ferait beau voir que je manque une journée de tournage. Il serait trop content, l'autre. Il peut pas te virer. Tu es le personnage principal. Bah, c'est surtout qu'on a tourné la moitié du film. Et que mon pote Jean-Pierre Assam est le producteur. Je peux pas lui faire ça. Bon courage, mon Jeannot. Mais je sais que tu en as. Et puis si tu crois que je vais leur dire ce qui se passe, rien. Je leur dirai rien. Ils seraient trop contents de récupérer mon chagrin pour l'étaler sur la pellicule. Tiens. De toute façon, c'est un nul, ce pia-là. Tu me connais, je suis un acteur plutôt docile. Oui. Moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Je vais pas chercher midi à 14h. Je sais. Avec Chabrol, ça s'est super bien passé. Ah oui. Seulement Chabrol, il sait ce qu'il veut et il te le dit. L'autre, je viens lui demander comment il voit la scène. Il me répond, fais comme tu veux. Bon, on tourne. Je fais ça à l'instinct. Je me laisse aller naturel, tu vois. Et le v'là, qui se met à gueuler. Mais c'est pas comme ça que j'ai fait, moi. C'est mauvais. Très mauvais. Mais tu le fais exprès. Il est caractériel. Attends. Je lui réponds, eh bien, montre-moi comment faire. Il me dit, mais j'en sais rien, moi. Cherche, c'est ton boulot. Oh. Bon, je vais voir Jacqueline. Tu sais que la Jacqueline de Salvador est hospitalisée pour la même chose. Hein. Putain, ça fait cher le paquet de clopes. Hein. Je suis là, Jean. Si t'as besoin de moi, tu fais signe et je viens. Je sais, ma poulette. Avec Ginette, vous êtes mes meilleures copines. J'espère être un peu plus que ça. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Tu prends tellement de place. Ne pas lire, ne pas regarder la télévision, ne pas commencer la lecture d'un nouveau roman. Écrire. Oui, je vais écrire. Souffrir, mais en laissant au moins quelque chose de soi. Quelque chose de nous deux. Moi et toi, Jean, agrippés à de l'encre noire qui crache. C'est toi qui viens de refermer la porte. Et je pense à cette vieille chanson de toi qui me faisait tant rire. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. Malgré 2 mois de traitement intensif et de lutte acharnée, Jacqueline décède. Jean ne laisse rien paraître de son deuil. Jusqu'au bout, il aura soutenu sa femme, jouant jusqu'à la comédie du divorce, la pressant de remplir les papiers de la procédure pour lui faire croire qu'il ne serait jamais veuf. En public, Jean-Yann joue le bravache, parfois même le macho. C'est lui qui écrit dans une fausse publicité... Madame, refusez de vieillir, gardez le teint rose de vos 20 ans et la souplesse de vos muscles faciaux grâce à la paire de baffes quotidiennes. Mais une fois au micro de José Arthur, il se laisse aller à la confidence. Bonsoir Jean-Yann. Bonsoir. Merci. Alors, avec les femmes, vous semblez être à l'aise, hein ? Vous n'avez jamais eu de doute ? Bah, au départ, je savais pas comment ça se passait, alors j'avais le trac. Mais quand ça s'est passé, c'était plutôt concluant. Ah. À quel âge s'est passé la première fois ? Relativement jeune, parce que j'ai eu la chance d'aller dans un lycée situé près d'une rue chaude. Je me demandais ce que faisaient toutes ces dames dans la rue, alors je suis allé leur demander. Et elles vous ont expliqué ? Ouais, très bonne explication. C'est donc une dame comme ça qui a été la première. Ben oui. Eh ben, moi aussi. C'est sans doute parce que vous avez le même âge que moi. D'ailleurs, à l'époque... C'est comme ça que ça se passait pour les jeunes garçons de 17 ans. À l'époque, il n'y avait pas de collège mixte. Est-ce que vous vous trouvez séduisant ? Non, je me trouve pas séduisant. Et puis c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt aux femmes, non ? Est-ce que vous avez un type particulier de femme ? J'aime bien les femmes qui parlent pas beaucoup. Et qui vous permettent de parler ? Oui, parce que j'adore parler. Principalement de moi. Je peux parler pendant des heures de moi. Si ce sont les autres, ça me barbe. Quelle sorte de femme n'aimez-vous pas ? J'aime pas beaucoup les suffragettes. Et puis les sages-femmes en deux chevaux. Le côté Croix-Rouge en béret et godasse plate qui conduisent des jeeps dans le désert. Et une femme qui vous ressemblerait. Elle serait pas terrible. Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer plusieurs femmes à la fois et de manière différente? Oh oui. Ah, alors parlez-nous un peu de l'amour. Parler de l'amour, c'est un beau sujet. Ne soyez pas maussade comme ça. Cette question vous choque? Est-ce que l'amour, c'est important pour vous? Non, pas tellement. Ça ne vous intéresse pas? Il y a des femmes intéressantes dans la vie tout de même. Ah, mais je n'en doute pas un instant. Vous ne les voyez pas? Ah, bien sûr que je les vois, et même plus. Mais vous parliez de l'amour. Vous savez que c'est un mot que je n'ai jamais très bien compris. Avez-vous déjà dit « je t'aime » à une femme? Oh oui. En y croyant? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qu'on aime? Bah, c'est quelqu'un avec qui on rigole. Quelqu'un qui pense comme vous. Vous parlez plus d'amitié que d'amour en ce moment. Est-ce que vous avez été malheureux en amour? J'ai été malheureux de rendre malheureux. C'est gentil, ça. Pudeur ou provocation, il ne sera pas toujours facile de démêler le vrai du faux dans ce que Jean-Yann pourra dire dans les médias. Seuls ses vrais amis savent quel homme de grand cœur il pouvait être. Une fois Jacqueline enterrée, une fois le tournage avec Piala terminé, il réalisera son premier film. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Dans lequel il fera tourner tous ses potes et Bernard Blier, pour qui il a une admiration non dissimulée. Et puis, il a repris une vie amoureuse avec la jeune Nicole Calfan, qui l'emmène un jour en Israël. Pourquoi tu m'as emmené ici? Pourquoi faire? T'es juive ou pas? Oui, mais je suis parisienne. T'es youd avant tout. Hein. Il faut que tu retrouves les racines de tes ancêtres. Je vais faire découvrir à ma petite juive sa terre promise. Mais il fait chaud. Mais pas du tout, il fait un temps de saison. T'es mignonne comme tout avec ton chapeau de paille et ton ensemble courage. On dirait la reine de Saba. Mais j'ai les pieds qui me brûlent avec ces petites sandalettes. Attends un peu pour te lamenter, on n'est pas encore au mur. Regarde, j'ai préparé plein de petits papiers à glisser dans les fentes. Montre-moi, je suis sûre que tu as écrit des bêtises. Ah, jamais avec la religion. On ne plaisante pas avec ça. Oh, ça ne serait pas la première fois. Qu'est-ce que c'est déjà ton truc sur la Bretagne? J'ai dit que si Jésus était mort dans son lit, en Bretagne, à chaque carrefour, il y aurait des sommiers en granit. Ah ouais, et tu crois que ça plairait au pape s'il t'entendait? Ah bah ça lui changerait les idées, parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'il doit s'emmerder, hein? Il n'a même pas un collègue pour parler boulot. Allez, viens, on va visiter la vieille ville. Il doit faire plus frais dans les ruelles. À vos ordres, princesse. Avanagila. C'était pas hier la remise des prix à Cannes? Ah, si. Tu sais qu'il y a eu le prix d'interprétation? Bah oui, je sais. C'est qui? Bah dis-moi, c'est qui? Ben, c'est papa. Non, c'est vrai? Ben oui. Allez, tu viens, on va se baigner. Waouh! Mais tu ne me disais rien? Il faut qu'on rentre à Cannes. Tu dois être attendu. Il doit y avoir plein de journalistes qui veulent t'interviewer. Si tu crois que je vais gâcher mon séjour pour ce film... D'ailleurs, je peux pas en parler, je l'ai pas vu. Et je le verrai jamais. J'ai tenu un rôle exécrable dans un film odieux et on me donne un prix d'interprétation pour ça. J'ai pourtant pas fait beaucoup d'efforts. Je me suis juste contenté de lire des bouts de papier coincés dans une bagnole avec Marlène Jobert. Et voilà que tout le monde me trouve attendrissant. Ah, laissez-moi rire. Laisse-moi au moins acheter du champagne pour fêter ça. Achète du champagne si tu veux, mais je te conseille de te méfier du champagne israélien. Il a un goût de gefilte fish. Rentré à Paris, Jean ne prit jamais la peine de regarder « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Dans son bureau situé 33 avenue des Champs-Élysées, ce qui lui plaisait, c'était de se mettre à la fenêtre et de contempler les files de spectateurs devant les cinémas. Celle pour tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, étant deux fois plus longue que celle pour le film de Piala. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ah, je me marre. mais je me marre. Jean-Yann, il est beau, il est gentil, de Gérard Levoyer. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Nicky Marbeau, Nicole Sigal, Jean-Paul Faré, Mousse Zouhiri, Christophe Allwright, Benoît Fèvre. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourlan, Arnaud Chapat. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidorov. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris, en plein dans la gueule des flics au regard surpris, quand ça gueule du sac, lorsque partout l'on entend le bruit des matraques sur les crânes intelligents, dans la douceur de la nuit, le ciel m'offre son abri, et je pense à Jésus-Christ, celui qui a... Le ciel calme, l'avion par-dessus les toits verse son napalm sur le peuple indochinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments les feux du Bengale cuisent les petits enfants, dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ, celui qui a... Ça jordanise quand le pauvre fédayen copie par bêtise la prose à Monsieur Jourdain. Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix et se désaltère avec un demi-biafrais. Dans la fraîcheur de la nuit, je me sens tout attendri en pensant à Jésus-Christ, celui qu'a... Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles à la fiction, aujourd'hui Jean-Yann, il est beau, il est gentil. Notre invité Fabrice Gardel, auteur d'un documentaire et d'un livre sur Jean-Yann. Bonjour Fabrice Gardel. Bonjour. Alors vous êtes auteur, réalisateur, vous avez réalisé une vingtaine de documentaires, dont beaucoup sur les thèmes de l'intime, hein, diffusés essentiellement sur Arte, et vous êtes aussi éditeur au Seuil. Dans une idée de synergie documentaire édition web, vous avez réalisé l'an dernier un documentaire intitulé Jean-Yann revient, on est devenu trop con, produit par Lina, et vous avez signé au Seuil le livre Jean-Yann, je reviens, vous êtes devenu trop con, l'ensemble accompagné d'un site web dédié à Lina. Bon, on peut dire que vous connaissez bien Jean-Yann, mais pourquoi cette passion pour cet artiste-là? Qu'est-ce qu'il vous renvoie? Peut-être une part de rêve, non, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple? Oui, exactement. Je trouve que l'époque est assez sinistre. Les gens se prennent au sérieux. Et je trouve qu'il faut réhabiliter des gens comme Jean-Yann, comme Chabrol, qui étaient à la fois extrêmement intelligents, cultivés, et qui ne se prenaient pas au sérieux sans esprit de sérieux, comme disait Sartre. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et qui est Jean-Yann, finalement? C'est pas un idéologue. Il n'est pas donneur de leçons, même s'il peut paraître un peu donneur de leçons parfois. C'est pas un coupeur de tête, même si parfois on se dit, si on n'est pas d'accord avec lui, ça peut faire mal, ne serait-ce que par l'humour. Qui est cet homme? Moi, ce que je trouve intéressant dans son humour, et par rapport à aujourd'hui encore plus, c'est qu'il tape à droite et à gauche. Un exemple, en mai 68, il fait une parodie du poème de Kipling, If. Et il fait « Tu seras un flic, mon fils », où il cogne contre les CRS, bien sûr, mais il cogne aussi contre les gauchistes et contre les Mao. Un moment où il était assez seul, à part des gens comme Simon Leys. Voilà. Et on ne sait pas où il va taper, et ça, je trouve que c'est assez satisfaisant dans une époque où il y a des très bons humoristes, il y en a plein à France Inter, mais on sait à peu près où ils vont taper. Jean-Yann, on ne sait jamais d'où ça va partir. Bon, mais peut-être aussi que le champ d'exploration de l'humour à cette époque-là est un champ plus libre, je ne sais pas. Est-ce que vous avez... C'est vraiment une question, c'est pas du tout une affirmation. Je crois pas, parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'autocensure, plus que de la censure, et je crois que si on regarde les affaires de Charlie Hebdo aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que lui disait « J'adorerais, alors qu'à l'époque, on était dans une autre époque, qu'il y ait un prix Charlie Hebdo. Et je serais juré au prix Charlie Hebdo. » Donc déjà, il voyait cette idée que, pour reprendre et détourner une citation d'Audiard, c'est peut-être « Les gens intelligents, ils osent tout. » Et avec Martin, ils osaient tout. Et est-ce qu'on pourrait pas lui coller une étiquette, mais dire de lui que c'était un libertaire, par exemple? Oui, effectivement, je pense que c'était avant tout un anarchiste. Mmh. Un anarchiste, et en même temps, il a un côté flaubertien, c'est-à-dire qu'il dit « Moi, j'aime le confort bourgeois, et je peux pas avoir des idées quand j'ai froid. » Donc voilà, Flaubert disait « Il faut vivre comme un bourgeois et penser en demi-dieu. » Et effectivement, il a ce côté-là, Jean-Yann. Il savait vivre et bien vivre. Est-ce qu'il est sombre? Est-ce que son humour est sombre? Parce que ça peut parfois donner l'impression d'un humour un peu désespéré aussi. Oui, dans le fond, c'était un type assez désespéré. D'ailleurs, qui a assez mal terminé. C'était un type assez seul, assez solitaire. Et donc, il masquait cela à travers de l'humour. Mais effectivement, je sais pas, je crois que c'est Chabrol qui disait « J'ai jamais vu un type aussi sinistre dans le fond ». Et évidemment, il se marrait tout le temps. Alors, il est né en région parisienne. Il a commencé par suivre des cours au CFJ. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction de l'émission. Le CFJ, c'est le centre de formation des journalistes, qui a été longtemps la référence des écoles de journalisme. Bah, c'est étonnant d'imaginer Jean-Yann étudiant. Et puis après, il y a les premiers essais sur les planches, dans les cabarets comme les Trois Baudets. Racontez-nous un peu le début de cette vie avant qu'il soit une star, parce que ça a été une star. Enfin, tout le monde connaissait Jean-Yann. Oui, il n'y avait pas de vocation. Et effectivement, il est passé par le CFJ. Honnêtement, il n'est pas resté très longtemps. Il n'a pas beaucoup bossé. Il a juste gardé un truc du CFJ. Il a dit, vous savez, au CFJ, on me disait, peut-être vous travaillerez pour l'Humanité, peut-être pour le Figaro. Alors apprenez à faire plaisir aux deux. Ça n'a pas dû lui plaire. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc non, honnêtement, il n'a pas fait une grande carrière. Effectivement, il n'avait pas de vocation particulière à part de déconner. Et du coup, très vite, il a commencé à écrire des sketchs et puis il est monté sur les planches. Dans le film, je raconte un épisode. On l'avait mis dans un cabaret. À ce moment-là, c'était Saint-Germain-des-Prés, l'après-guerre, l'existentialisme. Et alors, il y a une dame qui avait acheté un cabaret, mais c'était un peu cher à Saint-Germain. Alors, elle avait acheté un cabaret à rue de Rivoli. Mais on faisait croire, comme les mecs venaient de province ou d'étrangers, qu'ils étaient à Saint-Germain-des-Prés. Alors, ils attendaient que les gens descendent. Et puis là, ils faisaient semblant d'être dans un cabaret de Saint-Germain-des-Prés. Puis ils avaient mis un vieux type avec des lunettes comme Sartre. Et ils disaient, regardez, regardez, c'est Sartre qui est là. En fait, ils étaient rue de Rivoli. C'était avant tout des déconneurs. Il n'y avait pas de plan de carrière. Ouais, donc c'est un potage, quoi. Il y a un potage, mais c'est plutôt sympa, un potage. Oui, c'est un potage en même temps. Il vient d'une famille de Français moyens. Et il y a des plaies qu'il va gratter toute sa vie. La collaboration, l'antisémitisme, l'argent, il se trompe pas sur les travers français. Mmh. Et ça, ça va rester ses os qu'il va ronger tout le temps. Il sait exactement où sont la faiblesse du peuple français. Et c'est pour ça qu'il touche les gens. Et pourquoi ce souci très particulier, très fort concernant l'antisémitisme et autres mots qui peuvent ronger une société, c'est lié à son histoire personnelle, c'est quoi ? Oui, parce qu'effectivement, il avait connu ça dans sa famille. Et puis, c'est comme les grands humoristes. Je pense qu'ils scannent très vite les choses et qu'ils voient très bien nos faiblesses. Voilà, sur la collaboration, il va faire un film qui s'appelle Les Chinois à Paris. En fait, c'est juste un décalque de la collaboration. Et il voit très bien les bassesses, il voit très bien comment les gens vont économiser le sucre et le riz dans la cave. Et il ne se trompe pas là-dessus. Il a une sorte comme ça de sixième instinct pour aller taper là où ça fait mal. La parodie, c'est vraiment un outil pour aller taper là où ça fait mal. C'était son outil principal. Oui, beaucoup de son humour vient du décalage dans le temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce sketch extrêmement connu des galères. Et donc, effectivement, il reproduit des syndicalistes cégétistes qui sont dans la galère. Et alors, ils ne veulent pas ramer plus de 39 heures. Ils veulent des tickets restaurant, voilà. Il y a 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ qui est dans cette lignée-là aussi. Voilà. De la même façon, ils se sont fait virer de la radio parce qu'ils avaient mis Napoléon sur un vélo. Voilà, ça c'était avec Jacques Martin 1 égale 3, et alors c'était Napoléon sur un vélo, et alors ça n'a pas du tout plu au ministère de l'Information, ils ont quand même sauté à cause de ça. Donc voilà, il dit, on décale les époques, et effectivement on obtient des effets de comique. Avec l'anachronisme, évidemment, qu'est-ce qu'il est? C'est un descendant des chansonniers, il y a quelque chose de ça chez Jean-Yann ou pas? Ou il est passé dans autre chose? Non, il s'est beaucoup inspiré de Pierre Dac. Voilà, voilà. Ça, oui. C'est cet humour-là, il est passé par la scène, donc il y a aussi ce côté machine quand il faisait des émissions de radio, déjà il faisait en direct pour qu'on ne le censure pas, on essayait toujours, mais il écrivait des textes dans la nuit, et le matin on montrait, de toute façon il mettait tout au panier, il improvisait avec Cire, avec Martin, donc c'était vraiment des chiens fous. Alors, vous avez travaillé longuement sur Jean-Yann, hein, un documentaire et un livre, donc au bout du compte, si on veut... achever ce portrait, c'était un homme aux deux visages, on peut dire à la fois déconneur et, tiens, un mot qu'on n'a pas employé, mais j'y pense quand je pense à Jean-Yann, mélancolique. Il y a de cette dimension-là. Oui, je pense qu'il était notamment avec les femmes extrêmement misogynes, il ne faut pas s'y tromper, et en même temps extrêmement tendre. Lorsqu'il tournait Nous ne vieillirons pas ensemble, sa première femme était en train de mourir d'un cancer, et tous les soirs, sans rien dire à personne, ni à Piala, ni à Marlène Jomère, il prenait sa voiture pour aller voir sa femme qui mourait. Donc je pense qu'effectivement, il était beaucoup plus sensible, et du coup, il se surprotégeait. Fabrice Gardel, on va se retrouver dans quelques minutes, et notamment, on aura écouté d'ici là un extrait du film « Nous ne vieillirons pas ensemble » où Jean-Yann mais agonie sa compagne ou sa femme, je ne sais plus si son mari est dans le film compagne ou femme, enfin il l'agonie littéralement et c'est très fort, vous allez entendre ça, puis nous on se retrouve juste après. Thank you. s'inviter au bal, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Et moi, qu'on soit vendu, qu'on soit pas, on ira avec les chrétiens, avec les païens. Et même les chiens et même les requins, on ira tous au T'as été chez Pathé pour te faire rembourser les frais? Ouais. Alors? Ça s'est bien passé. L'accueil a dû être plutôt froid, non? Ouais. Marque la gueule qu'ils vont faire quand ils vont voir ce qu'on a ramené. Ah, je me demande pourquoi. En plus, moi, j'ai plus un rond maintenant, avec tout le pognon que j'ai dépensé avec tes parents en Camargue. Oh, t'exagères, hein? C'est toi qui les as invités. Ils sont restés que deux jours. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Tu vas pas travailler dans les bureaux? Je sais pas. Tu sais pas. Alors tu vas encore chercher du boulot dans les bureaux, mais depuis 6 ans, combien t'en as fait? Moi, je sais pas, à force d'aller t'attendre partout, j'ai fait tous les quartiers de Paris. Tu veux pas chercher quelque chose de plus intéressant, non? Non, t'es là, t'es molle, et puis t'attends. Tout ce que j'essaie de faire pour toi, c'est la même chose. J'ai essayé de te faire travailler dans le cinéma, ben ça marche pas. Chaque fois, y a rien à faire. Rien t'intéresse. Tout ce que t'es, c'est une feignante, c'est tout. T'es une bonne feignante, voilà. Tu laisses tomber tout de suite. Ah si, la seule chose qui te plaît, cover girl. Ah voilà. Madame veut être cover girl, avec le pif que t'as et tes taches de rousseur. Hein. T'es trop petite et t'es trop moche. Alors mets-toi une bonne fois dans la tête qu'il faut que tu trouves quelque chose d'intéressant, mais pas dans cette catégorie-là. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Voilà, extrait de « Nous ne vieillirons pas ensemble », film pour lequel Jean-Yann a reçu un prix d'interprétation. Évidemment, je dis évidemment parce que il le refuse et on n'est pas étonné que cette personnalité-là refuse le prix. Un, pourquoi il le refuse? Deux, comment il le refuse? Alors, Jean-Yann comédien, c'est un grand paradoxe. Il aimait pas du tout faire le comédien. Il disait, c'est un métier de gonzesse, vous comprenez, on doit nous mettre un peu de noir sur notre tonsure, etc. Vraiment, je déteste ce métier, je fais ça que pour l'argent. Donc, il aimait pas du tout ça. Et paradoxalement, quand on regarde son œuvre, c'est peut-être là où il va rester, où il est le plus fort, notamment dans ce film de Piala et dans la séquence qu'on vient d'entendre, où il est absolument admirable. Mais il détestait ça, ça s'est très mal passé, et puis il disait à Piala, ouais, de toute façon, ce film, ça consiste à rentrer dans une pièce et à foutre une baffe à une nana. Donc il prenait pas du tout ça au sérieux, et globalement, ça s'est très mal passé avec Piala. Bah j'imagine, vu le postulat, quand vous avez un comédien qui dit à un réalisateur, bah en fait ton film il est pas intéressant, forcément que ça se passe comme ça. Oui, c'était surtout, je pense que c'était deux trop gros crocodiles. C'était deux grosses bêtes et on met pas deux crocodiles comme ça dans le même bassin. Parce qu'à côté de ça, ça s'est par exemple extrêmement bien passé avec Chabrol. Alors Chabrol qui faisait les choses en dilettante comme lui, sans esprit de sérieux, on parlait de l'esprit de sérieux tout à l'heure, alors là il s'entendait comme larron en foire. Premier truc, c'est Chabrol lui disait où est-ce qu'il y a des bons restaurants où bouffer. Il picolait à midi, parfois ils étaient tellement bourrés, notamment quand ils tournaient le boucher qu'ils pouvaient même pas retourner après. Et donc là ça se passait très bien, mais il aimait pas le sérieux de Piala et le côté extrêmement sombre de Piala. peut-être parce que ça lui rappelait des choses. Pourtant, ils se ressemblaient quand on se souvient du comportement de Piala au Festival de Cannes, pour le film Sous le soleil de Satan, hein, avec ce fameux geste qu'il adresse au public. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un côté Jean-Yann totalement libertaire contre un système qu'il réfute et dont il devient un acteur, finalement? Oui, très honnêtement, il détestait Cannes. Il disait, à Cannes, il y a plus de coiffeurs que de comédiens. Et je pense qu'il n'aimerait pas notre époque non plus. Le côté la moindre personne qui pète tweet, il détesterait ça. Et ouais. D'ailleurs, il dit qu'il n'a pas été à la première du film Nous ne vieillirons pas ensemble. Il a dit, je comprends pas qui sont tous ces types déguisés en pingouins, j'en connais aucun. De toute façon, moi, j'ai un blue jean, ils vont pas me laisser rentrer. Donc vraiment, et là, je pense qu'il était assez honnête. Il détestait les honneurs. Il disait, les honneurs, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel trou du cul peut en avoir. Je pense qu'il détestait ce tout à l'ego. Tout à l'ego, jolie formule qu'on connaît, mais elle est toujours saisissante. L'amitié, on imagine, Jean-Yann, bon pote, quoi. Bon copain, voilà, Philippe Bouvard, Jacques Martin, Gérard Cyr, Gilles Durieux, on a l'impression que ça comptait beaucoup pour lui, l'amitié, ou non? Oui, c'était essentiel. Ah, c'est voilà. Avant tout des bandes de mecs, c'est assez mec comme ça, et je raconte une anecdote. Donc, il détestait Cannes, on vient de le dire, et alors avec tous ses potes, donc il y avait Brialy, il y avait Collaro, ils vont faire une parodie de Cannes à Cannes-l'Écluse. Je sais pas très bien où c'est, ça doit être dans une petite ville bourgade en France sinistre. Mais qui existe, hein. Oui, Cannes-l'Écluse, existe, okay. Et donc ils ont fait un faux festival de Cannes, il y avait Collaro, Duchossois, Brialy, et alors ils sont tous mais bourrés comme des petits lus, et alors, mais vraiment, il faut le regarder sur Lina, ça vaut la peine, et alors il termine, j'ai noté, en disant « Je me suis attribué le prix du meilleur réalisateur étranger, car je suis entièrement étranger à cette profession, et d'ailleurs je ne fais ça que pour l'argent, donc si quelqu'un veut acheter mon prix, le meilleur le portera. » Donc, et je pense que c'est le fond de sa pensée, c'est qu'il n'aime pas cette profession, et je pense que ça n'a pas tellement changé, parce que regardez, vous qui êtes dans les médias, Fabrice, quand il y a la semaine de Cannes, on sait bien à la maison de la radio, alors tu descends à Cannes, tu vas à Cannes. Mais qu'est-ce que ces gens ont à foutre à Cannes? 9 sur 10 n'ont rien à foutre à part aller faire les ozos à Cannes. Donc là-dessus, je pense qu'il a une certaine préscience et il ne se trompe pas sur la vanité des choses. Bon, enfin, tout le monde n'aime pas descendre à Cannes, hein, vous savez. Moi, je me suis fait virer au bout de 24 heures à Cannes parce que je présentais le 13-14 à Cannes, figurez-vous, et mon badge allait jusqu'à 14 heures. Et à 14 heures, l'organisation m'a viré, littéralement. C'est pas 14 heures et une seconde, c'est ça, Cannes. C'est très, très sympa. Concernant l'œuvre de Jean-Yann, il y a une phrase que je trouve très juste, relevée dans un article consacré à Jean-Yann. « Son rire n'est pas poujadiste », écrit le journaliste. « Il attaque la bêtise, jamais les faibles. » Qu'en pensez-vous ? Oui, je pense que c'est très juste. C'est-à-dire qu'il venait d'une famille de Français moyens et il était à la fois extrêmement acide, mais il tapait sur les puissants et sur les riches. Et il voulait pas taper sur les petits. Il dit une chose assez jolie dans le film. Il dit « Je faisais beaucoup de blagues sur les fous. » Et puis un jour, une dame m'a écrit en disant que son fils était fou, était dans un institut. Et j'ai compris la douleur. Et depuis ce jour-là, je fais plus de blagues sur les fous. Et je pense que là, il y a une vraie tendresse et une vraie empathie. Est-ce que politiquement, il s'est déjà positionné? Est-ce qu'il a pris des prises de position public ou pas? Non. Comme je disais, il tapait sur tout le monde. Il y a vraiment un côté Coluche. Simplement, il aimait pas du tout le monde politique, son esprit de sérieux. Ouais. Il disait simplement que, par exemple, avec des gens comme De Gaulle, c'est facile parce qu'ils ont du talent, donc ils vous donnent du talent. Et il trouvait après la classe politique un petit peu tristounette. Mais il y a des sketchs très drôles où il se fout de perfite, de la censure. On le traite de droite, mais c'est pas sûr qu'il était si de droite que ça, à part qu'il aimait le confort. Voilà, ça restait un bourgeois. Mais il le disait, l'honnêteté de le dire. Oui, c'est pour ça, c'est quelqu'un qui se cachait pas. Et là aussi, si on revient à l'époque, puisque ce qui m'intéresse, c'est les allers-retours avec l'époque, on sait très bien aujourd'hui un certain nombre de gens qui prêchent des valeurs extrêmement humanistes et qui vivent au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans un entre-soi. Et je pense que ça, il supportait pas ça. Dernière question, est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui, des humoristes, des comédiens, des one-man shows, je sais pas, qui pourraient comme ça rappeler un peu Jean-Yann, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Moi, je voudrais terminer avec cette histoire de Charlie Hebdo qui est quand même absolument essentielle. Et je pense que hier comme aujourd'hui, les gens ont peur de la peur avant tout, et que ce que fait Charlie Hebdo est absolument essentiel. Et je pense que pour ça, son combat est éternel. Et cette idée que, voilà, le rire. Il y a une émission très très frappante où il invite un curé et un rabbin. Voilà. Et le curé et le rabbin prennent la défense de Jean-Yann et ils disent, voilà, une société démocratique sans rire et une société condamnée. Voilà. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de QCR qui devraient écouter ça plus souvent. Donc Charlie Hebdo, héritier de Jean-Yann, ma foi. Merci beaucoup, Fabrice Gardel. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Jean-Yann, il est beau, il est gentil. Une fiction écrite par Gérard Levoyer, réalisée par Michel Sidorov et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Florent Beauvallet.